والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons بإذن الله l'explication de ce livre رياض الصالحين écrit par الحافظ النووي رحمه الله تعالى. On va essayer aujourd'hui de terminer donc le premier chapitre relatif à an-niyya wal-ikhras fil a'mal wal-aqwal, la sincérité ou l'intention et la sincérité vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala dans toute parole et dans tout acte. Et nous sommes arrivés au hadith de Abu Huraira. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بدعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاء أي يخرجه وينهضه. طيب ici الحافظ النووي رحمه الله تعالى mentionne dans ce chapitre donc concernant an-niyya, l'intention, il dit que Abu Huraira radiyallahu anhu mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière de l'homme en groupe augmente sur la prière ou sur sa prière qu'il fait chez lui ou sur sa prière qu'il fait dans son marché. De bid'an wa 20 daraja. Bid' en arabe désigne un nombre entre 3 et 9. Naam. Donc, c'est-à-dire entre 23 et 29. Mais il est mentionné dans une autre version du hadith, Sab'an wa 20 daraja, 27. Donc, l'autre narration vient clarifier le nombre ici qui n'est pas précis ici dans cette version. D'où l'importance, mes frères, comme je vous le répète à chaque fois, de faire quoi ? Jam'u riwayat, c'est-à-dire de regrouper les différentes narrations d'un seul et même hadith pour avoir le maximum d'informations. Wa dhalika anna ahaduhum. Pourquoi ? Où il mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam que un d'entre vous, si il fait les ablutions de manière parfaite, puis ensuite il se rend à la mosquée, il n'y a rien qui l'a fait sortir de chez lui excepté la prière. Il veut seulement la prière lorsqu'il sort de sa maison. Donc il ne fait pas un pas sans que ce pas l'élève d'un degré et efface pour lui un péché jusqu'à qu'il rentre dans la mosquée. S'il rentre dans la mosquée et qu'il prie et qu'il reste ensuite après la prière afin d'attendre l'autre prière qui arrive, les anges prie sur lui, rahimakallah. Les anges prient pour celui d'entre vous qui reste à l'endroit où il a prié. Et ils disent, ô Allah, fais-lui miséricorde. Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, accepte son repentir. Jusqu'à, tant qu'il ne perd pas ses ablutions. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Fahimtoum? Taïb. نعم قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى إذا صلى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل من الصلاة في بيته أو في سوقه 27 مرة لأن الصلاة مع الجماعة قيام بما أوجب الله من صلاة الجماعة. Cheikh Al-Uthaymin mentionne, rahimallah, que si la personne prie à la mosquée avec le groupe, alors cette prière est meilleure que la prière qu'il peut faire chez lui ou dans son marché, de 27 fois. Ici, il mentionne 27 fois en référence au hadith de Abdullah ibn Umar. Radiyallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, salatul jama'a afdalu min salatil fadhi bi 27 daraja muttafaqun alayhi. Ici, le Cheikh Al-Uthaymin mentionne ou fait référence au hadith de Abdullah ibn Umar, dans lequel il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière en groupe est meilleure que la prière al-fadhi. C'est quoi al-fadhi? La prière individuelle, de 27 degrés. D'accord? Tayyib, quelqu'un pourrait me dire, il y a aussi un autre hadith qui mentionne bi 50 wa 20 daraja, par 25 degrés, meilleur de 25 degrés. Comment fait-on pour regrouper tout cela? Al-Hafid al-Nawawi, justement, dans son livre Al-Majmou', mentionne et dit wal-jam baynahuma, le fait de regrouper entre ces deux versions, 25 ou 27, min thalathati awjuh, est de trois aspects. Awalan annahu la munafa fi dhikri al-qalil la yanfi al-kathir. Il n'y a pas de ça ne vient pas annuler le fait de mentionner le peu. Le fait de mentionner le peu ne vient pas annuler celui qui est beaucoup. Le fait de dire 25, ça ne veut pas dire que 27 n'est pas valable non plus. D'accord ? وَثَانِيًا أَنْ يَكُونَ أَخْبَرَ أَوَّلًا بِالْقَلِيلِ ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَ بِهَا. Deuxièmement, comme il nous dit ici le Hafiz, il est possible qu'au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné celui qui est plus petit, 25. Et ensuite, Allah azza wa jalla lui a appris la deuxième, l'augmentation dans le mérite de la prière en groupe. Et donc, le prophète a informé que c'était en fait 27. Thalithan, annahu yakhtalif bi-ikhtilafi ahwal al-musallin wa as-salah. Troisième façon qu'on peut expliquer cela, c'est que ceci diffère selon la situation des prieurs ou de la prière qui est priée. وَتَكُونُ لِبَعْدِهِمْ 25 وَلِبَعْدِهِمْ 27 pardon. وَتَكُونُ لِبَعْدِهِمْ 25 وَلِبَعْدِهِمْ 27 بِحَسَبِ كَمَالِ الصَّلَاةِ وَمُحَافَظَتِهِ عَلَى هَيَاتِهَا وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك. Il a dit donc la troisième façon d'expliquer ceci. Donc ça diverge selon la situation des prieurs ou de la prière qui est priée. Donc pour certains prieurs, ça va être 25. Pour d'autres, ça va être 27. Hein? Tout dépend de quoi ? Hein? De la perfection de la prière. De le fait de comment il a préservé sa prière. Hein? Selon comment il a prié. Hein? Comment il a été concentré dans sa prière. Hein? Comment était le nombre de personnes qui est venu prier. Hein? Ou également, hein, le mérite de ces personnes. C'est que des gens pieux, par exemple. Ou hein, l'endroit où il prie, la noblesse de l'endroit où il prie, c'est ça, la mosquée du prophète, la mosquée de Mecca, etc. Donc il nous dit, al-Hafidh an-Nawawi, hein, 27 ou 25, ça dépend de la situation. Des fois c'est 27, des fois c'est 25. Vous comprenez ? Wal-Hafidh ibn Hajar, قال أن السبع والعشرين للصلاة الجهرية والخمس والعشرين للصلاة السرية. Lui, Al-Hafiz ibn Hajar, il a dit une autre explication encore. Et on va s'arrêter sur cette explication parce que si on développe trop, on va parler que de ce sujet. Il a dit, lui, les 27, hein, la version des 27, c'est pour la prière à voix haute. Et la version des 25, c'est pour la prière à voix basse. Wallahu ta'ala a'lam. On revient à la parole de Sheikh Al-Uthaymin. فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد لأحاديث وردت في ذلك ولما أشار الله إليه سبحانه وتعالى في كتابه حين قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية فأوجب الله الجماعة في حال الخوف فإذا أوجبها في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى وأحرى كلامه Jamil. Il nous dit, Cheikh Al-Uthaymin, que l'avis le plus juste concernant les différentes opinions des gens de science sur la prière en groupe, c'est qu'elle est fardou'in. Ma ma'na fardou'in. Naam. C'est une obligation pour tout le monde, individuel. C'est-à-dire que tout le monde est touché par cette obligation. Yani, tous les hommes, bien sûr. Là, le Shir, il ne l'a pas mentionné. Il n'a pas, pas développé, mais ça coule de source. Hein, quand on dit tout le monde, il dit tous les hommes pubères. Les femmes et les enfants non pubères, la prière en groupe n'est pas obligatoire. Et pour la femme, le mieux même, c'est la maison. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cependant, n'empêchez pas la tamna'u nisa'akum al-masajid. Hein? N'interdisez pas à vos femmes la mosquée. Wassalatu fi buyutihinna afdal wa khayrun lahunna. Et la prière dans leur maison est meilleure pour elles. Comme a dit ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Fardu ayn, c'est-à-dire obligatoire pour chaque individu. Au contraire de fard akifay, qui est lui une obligation collective. Si certains de la communauté le font, les autres ne sont pas obligés de le faire. Comme quoi ? La prière du Eid, comme on avait dit. Ou salatul janaza. Ou ta'lim al-niraf. Apprendre la science de l'héritage. Si certains l'ont fait, les autres n'ont pas besoin de tous le faire. Fahimtoum ? Mais la prière en groupe est obligatoire pour tout le monde. Même si hein, 99% du quartier est pris à la mosquée, toi, tu dois venir. Tu dis pas, c'est bon, ils ont prié. Alhamdulillah, il y a la jama'a, les fêtes. Moi, je prie chez moi. Non, tu dois prier à la mosquée. Et il est donc obligatoire à l'individu, donc à l'homme, hein, de prier avec le groupe dans la mosquée. Et ceci est prouvé par beaucoup de hadiths à ce sujet. Et on va en citer quelques-uns après. Le Shir va en citer quelques-uns. Et également pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué dans son livre. Lorsque Allah a dit subhanahu wa ta'ala au sens approché, et si tu es avec eux, alors accomplit pour eux la prière. Et donc, il y a un groupe d'entre eux qui se lève et qui prie avec toi. Jusqu'à la fin du verset, dans Surat An-Nisa. Ici, il parle de quelle prière? Là. Quelle prière est... C'est quelle prière qui est voulue dans ce verset? وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ. C'est quelle prière? Là. Si tu te trouves avec eux, alors accomplis pour eux la prière et qu'un groupe d'entre eux se lève et prie avec toi. Jusqu'à la fin du verset. Ya Rijal. Salatou. Hein? Là, Asma, t'entends pas? Mais non. Dans Surat Nisa, vous. C'est pas une prière en particulier. C'est pas une prière. Eh ouais, Salatul Khawf. La prière de la peur. La prière de la peur. Pourquoi il dit ici, un groupe d'entre eux se lève avec eux, c'est-à-dire les autres, ils dorment? Les autres, c'est pas obligatoire pour eux. Non, parce que si tu fais la guerre, l'ennemi en face de toi, si tout le monde va prier, l'ennemi attaque, il va vous tuer ou vous tuer. Mais un groupe se lève, l'autre il surveille, et la prière de la peur, on va le voir dans les cours de fiqh, elle a plusieurs façons d'être priée. Donc ici, il nous dit le shir, si Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire de prier en groupe pendant une situation de peur, pendant la guerre, ou autre parmi la peur. Il l'a rendu obligatoire. Il n'a pas dit vous priez chacun votre tour quand vous voulez. Non, priez en groupe d'une façon particulière, certes, mais priez en groupe pendant la guerre. Alors que dire pendant la sécurité, lorsqu'il y a la paix, lorsqu'il n'y a pas de peur? Encore plus, l'obligation est encore plus, n'est-ce pas? Donc là, le dalil, il est fort. Si quelqu'un te dit non, c'est pas obligatoire, regarde, Allah l'a obligé quand il est en train de faire la guerre. Et toi, tu es dans ton quartier, tu es chez toi, il n'y a rien qui te menace. Aussi, parmi les hadiths qui ont été mentionnés sur le sujet, un hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, lorsque le prophète sallam, avait dit si j'aurais pu, j'aurais appelé à la prière, j'aurais fait faire l'iqama et j'aurais mis quelqu'un à ma place pour prier. Ensuite, je serais parti avec un groupe d'hommes et des fagots de bois afin de mettre le feu dans la maison ou de faire brûler les maisons de ceux qui ne sont pas venus à la prière en groupe. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mettrait le feu pour quelque chose qui est recommandé? Seulement recommandé? Non. Ce qui nous prouve quoi? Que c'est obligatoire. Et les ulama ont expliqué pourquoi il ne l'a pas fait. Pourquoi il n'a pas mis le feu aux maisons? Bien. Dans la maison, il y a qui? Des femmes, des enfants, pour qui la prière en groupe n'est pas obligatoire. Ahsantum. ثم ذكر السبب في ذلك بأن الرجل إذا توضأ في بيته فأصبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه أو لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة سواء أقرب مكانه من المسجد أو بعد وأقرب مكانه من المسجد أو بعد كل خطوة يحصل بها فائدة الفائدة الأولى أن الله يرفع بها درجة والفائدة الثانية أن الله يحد عنه بها خطيئة وهذا فضل عظيم. Donc, dans la suite du hadith, il mentionne la cause. Pourquoi la prière en groupe est meilleure? Il dit, si l'homme fait les ablutions dans sa maison, en faisant les ablutions parfaitement, ensuite il sort de sa maison pour la mosquée. Il n'y a rien qui le fait sortir de sa maison, excepté quoi? La prière. Il ne sort pas pour autre chose, il sort pour prier. Et donc il n'y a pas un pas qu'il fait sans que Allah l'élève par cela d'un degré. Et il efface pour lui par cela un péché. Que l'endroit de ta maison soit proche ou loin de la mosquée. Que tu habites à 10 mètres de la maison, de la mosquée, ou que tu habites à 3 km. Chaque pas, ça t'élève d'un degré et ça t'efface un péché. Donc, ici, les pas que tu fais à la mosquée, ils te rapportent deux bénéfices. Le premier bénéfice qu'ils te rapportent, c'est quoi ? Allah t'élève par cela en degré. Et le deuxième, Allah efface pour toi un péché. Allahu Akbar. Imaginez-vous, 5 fois par jour, tu habites à, je ne sais pas, 900 mètres de la mosquée. Hein, peut-être tu vas faire, allez, 1500 pas, Allahu Alam. 1500 pas. Chaque pas, ça t'élève d'un degré et ça t'efface d'un péché. 1500 par prière. Et que tu multiplies par 5 prières. Hein, imagine-toi tous les péchés qui sont effacés, Allahu Akbar. Mais, Wallah, frère, j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on médite sur ça, subhanallah. On est remplis tous de péchés. On fait tous des péchés. Imagine-toi, essaye de calculer le nombre de péchés qui t'est effacé, bi'idhnillah, si Allah le veut, par les pas que tu fais à la mosquée. Et, mashallah, Akhouna Mohamed, hein, qui habite le plus loin de nous, hein, il a beaucoup plus de pas. Hein, mashallah. Imaginez-vous. Non, mais imaginez-vous, subhanallah. Al-Muhim. Après, on finit les questions. Écris si tu n'as pas oublié. Sinon, on va être pris dans. حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد فصلى ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة فإنه في صلاة من انتظر الصلاة وهذا أيضا نعمة عظيمة لو بقيت منتظرا للصلاة مدة طويلة وأنت جالس لا تصلي بعد أن صليت تحية المسجد مثلا وما شاء الله فإنه يحسب لك أجر الصلاة الله أكبر. Donc jusqu'à que tu rentres dans la mosquée, hein, t'as la récompense pour ses pas. Ensuite tu rentres, tu pries ce qui a été décrété pour toi de prier, hein, et ensuite tu t'assois et t'attends la prière. Et ben là tu es en prière. Jusqu'à que tu attends la prière, tu es en prière. Et donc ça, c'est encore un bénéfice exceptionnel. En plus de ce qu'on vient de mentionner. Tu es là, tu pries, hein, ici, comme il nous dit le shir, tu viens, tu pries, tahitul masjid, rak'atayn, tu t'assois et tu attends la prière. Là, tu es en prière, même si tu ne pries pas. Tu ne pries pas, tu es en prière, Allahu Akbar. Imagine-toi, tu viens une heure à l'avance. Pendant une heure, tu es en prière sans prier une seule raka. Mais tu es en prière. Tu es assis et tu es en prière. Yani, tu as la récompense comme si tu priais. Tu as la récompense comme si tu priais. Quand on dit tu es en prière, yani, tu as la récompense comme si tu priais. Yani, essayez de méditer sur cela, mes frères. Hein, quand vous venez à la mosquée, hein, peut-être un peu à l'avance, vous asseyez, vous priez à la kateïn. Hein, et aussi l'importance de prier à la kateïn. Beaucoup de gens, malheureusement, ici, ils viennent, ils rentrent dans la mosquée, ils s'assoient, ils attendent. Non. Tu rentres dans la mosquée, ça c'est un autre sujet, on en a déjà parlé dans les cours précédents, hein, tu dois prier la kateïn avant de t'asseoir. Et ensuite, tu es en prière jusqu'à ce que la prière arrive. Allahu Akbar. وَهُنَاكْ أَيْضًا شَيْءٌ رَابِعٌ أَنَّ الْمَلَائِكَ تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه وهذا أيضا فضل عظيم لمن حضر بهذه النية وبهذه الأفعال. Et là, il y a encore un quatrième mérite ou bénéfice. Un seul nous suffisait pour qu'on soit, hein, pour qu'on soit yani, qu'on fasse nos efforts pour aller prier à la mosquée. Mais là, subhanallah, Allah Azza wa Jalla nous donne 4, voire plus, mérites. C'est quoi ? C'est que lorsque tu es assis, les anges ne cessent de prier sur la personne qui a prié dans la mosquée et qui s'est assis et qui attend. Les anges prient, c'est-à-dire ils invoquent. Ils disent « Oh Allah, prie sur lui. Oh Allah, pardonne-lui. Hein? Oh Allah, fais-lui miséricorde. Oh Allah, accepte son repentir. » Ici, j'attire votre attention. C'est vrai qu'ici, le mot « Allahumma salli alayhi. » où Allah prie sur lui. La traduction prier n'est pas bonne. On prie là, c'est littéralement. Mais ce qui est voulu, as-salat min Allah ta'ala ala al-abd, c'est quoi? Thana'uhu alayhi inda man inda al-mala'il a'la, yani al-mala'ika. C'est quoi quand on dit Allah prie sur lui, Allah prie sur le prophète, ou Allah prie sur un serviteur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah fait les éloges de cette personne ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de qui? Auprès des anges. Auprès des anges. Comme l'a expliqué qui? Abul Aliya. Hein, ce salaf. Abul Aliya. Hein, qui a expliqué quoi? C'est quoi? As-salah yani min Allah. Wa amma as-salah min al-mala'ika ala al-mu'minin fayya bima'na ad-du'a lahum. Lorsqu'on dit que les anges prient sur lui, ça veut dire quoi? Quand on dit que les anges prient sur le croyant, c'est-à-dire qu'ils l'invoquent pour lui. Attention, en français, ils traduisent généralement par prier. Pourquoi? Ils ont traduit le mot littéralement, salat, prier. Mais ce n'est pas correct. Il faudrait dire, ils invoquent pour lui. Ou si ça correspond, si on mentionne as-salat min Allah, on dirait quoi? Il fait ses éloges. Allah fait ses éloges. D'accord? C'est ça la traduction correcte. Al-Muhim. Donc Allah, les anges invoquent pour lui. Donc ils demandent à Allah de faire les éloges de cette personne auprès des anges dans les cieux. Allah Akbar. Première chose. Il leur demande de lui pardonner. Deuxième chose. Il lui demande de lui faire miséricorde. Troisième chose. Et il lui demande d'accepter son repentir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est juste assis. Il est assis et pendant tout ce temps, les anges invoquent. Subhanallah, mes frères réunis. Hein, ça, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Mais combien de nous réfléchissent à ça lorsqu'ils sont assis dans la mosquée en train d'attendre la prière? C'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Non, pas forcément obligatoire. Tu rentres, tu fais tahiyat al-masjid, tu attends et tu es dans cette situation. Quelque chose d'exceptionnel. Oui, aussi. Quand tu termines une prière d'or et t'attends pour jusqu'à l'autre prière. D'accord? Oui, et là, le doua des anges, jusqu'à que ils sortent. Hein, on va le voir ça après, on va l'expliquer. ما الفرق بين المغفرة والرحمة يا محمد ما الفرق بين المغفرة والرحمة c'est quoi la différence entre le pardon le maghfira et le rahma la miséricorde et ouais. Non, Mahsad. Également, il est mentionné que Al-Maghfira, hein, c'est Satru Dhunub. Hein, ou Al-Tajawuz. Hein, c'est le fait que Al-Maghfira, le pardon, c'est que Allah, il couvre, il cache les péchés et il les absout. Hein? Ou Al-Rahma, hein, Ifadatul Ihsan ilayhi. C'est le fait qu'il déverse la bienfaisance sur cette personne. D'accord? Al-Muhim. والشاهد من هذا الحديث قوله ثم خرج من بيتي إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة فإنه يدل على اعتبار النية في حصول هذا الأجر العظيم. On est dans quel chapitre là, mes frères? النية والإخلاص. Donc c'est quoi ici? Pourquoi le shir ici il mentionne ce hadith? C'est la parole du prophète. Puis il sort de sa maison en direction de la mosquée. Et c'est seulement la prière qui l'a fait sortir. C'est quoi l'intention, sa niya de sortir? C'est la prière. Yani, ceci nous indique son intention. Son intention qui lui procurera yani, ces récompenses extraordinaires. أما لو خرج من بيته لا يريد الصلاة فإنه لا يكتب له هذا الأجر. مثل أن يخرج من بيته إلى دكانه ولما أذن ذهب يصلي فإنه لا يحصل على هذا الأجر لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا الصلاة. Mais s'il sort de chez lui, il ne veut pas prier, alors il ne sera pas écrit cette récompense. Par exemple, la personne qui sort de sa maison pour aller dans son magasin. Il sort de chez lui pour aller dans son magasin. Ensuite, il y a l'adhan et il part à la mosquée. Est-ce qu'il aura cette récompense? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti de sa maison pour prier, mais il est sorti pour aller dans son magasin. لكن ربما يكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة والله أعلم. يعني نقول الشيخ il est possible que la récompense lui soit inscrite lorsqu'il quitte son magasin pour aller en direction de la prière. D'accord ? Pour aller en direction de la mosquée. Donc à partir du moment où il a quitté l'endroit où il était, lorsqu'il a voulu maintenant l'intention pour la prière, alors là il aura la récompense. Wallahu a'lam. D'accord ? Il dit, à condition qu'il ait bien sûr en état de pureté, de purification. Parce que dans le hadith, je vous rappelle, hein, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il fait ses ablutions. Hein ? Wadih ? Tayyib. Qala الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. C'est l'avant-dernier hadith de ce chapitre, hein, dans lequel Al-Hafiz mentionne un hadith de Abu al-Abbas, Abdullah Ibn Abbas, Ibn Abd al-Muttalib, radiallahu anhuma, et vous connaissez tous qui est Abdullah Ibn Abbas, qui est mort en. Ah. Tayyib. Cherchez, Inch'Allah. Je vous le dis. Abdullah Ibn Abbas, il est mort quand? Non? 68 de l'Hégire. Un rapport du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte de son Seigneur. Tabaraka wa ta'ala, c'est un hadith Qudsi, hadith Qudsi. Qui a dit, Allah a écrit les bonnes actions et les mauvaises. Ensuite, il a clarifié, celui qui désire faire une bonne action, mais qu'il ne la fait pas, Allah lui écrira pour lui une bonne action complète. Celui qui désire la faire et qu'il la fait, alors Allah lui écrira 10 hasanat jusqu'à 700 et jusqu'à encore un nombre plus grand ou jusqu'à un grand nombre de hasanat. Et celui qui désire faire une mauvaise action mais qui ne la fait pas, Allah lui écrit pour lui une bonne action complète. Et celui qui désire la faire, la mauvaise action, et qu'il la fait, il aura, Allah lui écrira seulement une mauvaise action. Muttafaqun alayhi. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات كتابته للحسنات والسيئات تشمل معنيين. La parole ici, hein, que certes Allah a écrit les bonnes actions et les mauvaises actions, hein, son écriture ici pour les bonnes et mauvaises actions englobe deux sens. المعنى الأول كتابة ذلك في اللوح المحفوظ فإن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كما قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وكل صغير وكبير مستطر فالله سبحانه وتعالى كتب السيئات والحسنات في اللوح المحفوظ إذا عملها العبد فإن الله تعالى يكتبها فإن الله تعالى يكتبها حسب ما تقتديه حكمته لا لا هذا المعنى الأول ما مكتوب المعنى الثاني عندك المعنى الثاني كتبه إياها غير موجود عندي يعني مكتوب المعنى الثاني غير موجود عندي مكتوب عندكم شوف ممكن اشوف تبع مختلفه او بين قوسين شفتها entre crochets نعم نعم بشوف غير مكتوب عندي سي با يكري شي مو طيب مي لا يدن با المعنى الثاني يدن با المعنى الثاني نعم احسنت ممتاز لامين لا سي pour ceux qu'on livre c'est la tabara de la muassasa ou plutôt madal al watan linash yani c'était l'ancienne tabara officielle de Cheikh Al-Uthaymeen. Toi, c'est quel tabac, Ibn Jouzi? Ou Rissara? Mouassassa Rissara? Ouais, ouais. Les versions diffèrent, elles mouhim. C'est pas très grave, c'est juste une question de mise en page. Donc, le premier, on a traduit ou on n'a pas traduit? On dit Allah, il écrit donc les bonnes actions et les mauvaises actions et ça englobe deux sens. Le premier sens, hein, c'est que c'est son écriture. Hein, dans l'Ouh al-Mahfouz. Dans l'Ouh al-Mahfouz. Là où Allah a écrit toutes les destinées. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Hein, et donc Allah a écrit dans l'Ouh al-Mahfouz tout ce qui va se passer. Toutes choses. Comme Allah il a dit, et certes nous avons créé toutes choses par prédestination. D'accord ? Il a dit également, hein, toute petite chose ou grande chose est écrite. D'accord ? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les bonnes actions et les mauvaises actions dans l'Ouh al-Mahfouz. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est si le serviteur œuvre donc avec ses bonnes ou ses mauvaises actions, Allah subhanahu wa ta'ala l'écrira. D'accord, l'écrira selon ce que sa sagesse comprend. Et également, sa justice est... la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc ça, c'est les deux sens qui sont compris ici. Allah, il a écrit où? Dans l'Ouh al-Mahfouz. Et Allah, et après, les œuvres sont écrites lorsque la personne les mettre en application. D'accord ? Attention, le fait que les œuvres sont déjà écrites dans l'Ouh al-Mahfouz, ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas le choix. On a déjà parlé ça dans le chapitre du Qadar. Allah Azza wa Jalla nous a donné notre libre arbitre. On peut choisir de faire le bien ou de faire le mal, de faire les bonnes actions ou de faire les mauvaises actions. Mais qu'importe le choix que l'on fait, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Oui, on ne peut pas trop développer parce qu'on l'a déjà développé dans les cours précédents. فهاتان كتابتان كتابة سابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل فكل واحد منا لا يعلم ماذا كتب الله له من خير أو شر حتى يقع ذلك الشيء. Donc c'est donc deux écritures. La première, l'écriture qui a précédé. Hein? Celle-ci, personne ne la connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun d'entre nous, ou aucun d'entre nous, ne connaît ce qu'Allah a écrit pour lui comme bien ou comme mal, jusqu'à que cette chose se produise. Fahimtoum ? C'est clair. Pas besoin de donner des exemples. وَكِتَابَةُ اللَّاحِقَةِ إِذَا عَمِلَ الْإِنسَانُ الْعَمَلُ كُتِبَ لَهُ حَسَبِ مَا تَقْتَدِيهِ الْحِكْمَةُ وَالْعَدْلُ وَالْفَضْلُ. Et la deuxième, c'est l'écriture qui arrive, qui suit. C'est-à-dire que lorsque l'individu œuvre avec une œuvre, alors on lui sera écrit selon, hein, selon ce qui est prévu, selon ce que prévaut, hein, la sagesse, hein, et la justice, hein, et le mérite. D'accord ? ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ أي ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كيف يكتب فبين أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة. Ensuite, il a clarifié ceci. Qui a clarifié? Le Nabi صلى الله عليه وسلم, le prophète, clarifie à ses compagnons comment elles sont écrites. Donc il explique que si l'individu, hein, désire faire une bonne action mais qu'il ne la fait pas, Allah lui écrit une bonne action complète. مثاله رجل هم أن يتوضأ ليقرأ القرآن ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه فإنه يكتب له بذلك فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة. Par exemple, un homme désire faire les ablutions, veut faire les ablutions pour lire le Coran, mais il ne le fait pas, il fait autre chose. Alors Allah lui écrira pour celle-ci une bonne action complète. Allahu Akbar. مثال آخر رجل هم أن يتصدق وعين المال الذي يريد أن يتصدق به ثم أمسك ولم يتصدق فيكتب له بذلك حسنة كاملة. Un autre exemple, un homme veut donner en aumône. Et il sait quel argent exactement ils veulent donner en aumône. D'accord ? Mais après, hein, il retient son aumône et il ne donne pas en aumône. Alors il sera écrit pour lui, hein, une bonne action complète. Amma an yusalliya rak'atayn fa amsaka wa lam yusalli fa innahu yuktab lahu bidhalika hasanatan kamila. Un homme, il veut prier deux rak'a, mais il ne prie pas. Il est, hein, l'empêcher ne prie pas. Alors, on lui sera écrit quand même une bonne action complète. فَإِنْ قَالَ قَائِلْ كَيْفَ يُكْتَبُ لَهُ حَسَنًا وَهُوَ لَمْ يَفْعَلَا. Si quelqu'un dit, comment est-il possible qu'il n'a pas fait cette œuvre et qu'il ait quand même la récompense après l'adhan, Inch'Allah. J'aimerais juste terminer l'explication de ce hadith, comme ça la semaine prochaine on pourra terminer le chapitre complètement. Comment se fait-il que la personne, hein, se voit écrit cette bonne action alors qu'il ne l'a pas fait? فالجواب على ذلك أن يقال إن فضل الله واسع هذا الهم الذي حدث منه يعتبر حسنة لأن القلب همام إما بخير أو بالشر فإذا هم بالخير فهذه حسنة تكتب له فإن عملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Donc la réponse, c'est quoi? C'est qu'ils ont dit, hein, que les faveurs d'Allah sont larges. Et donc le fait qu'il a désiré, hein, faire cette bonne action, alors c'est considéré comme une bonne action. Car le cœur, hein, il est actif. Le cœur, il est vivant, il est énergétique. Il est énergique, barakallah. C'est-à-dire soit par le bien, soit par le mal. Et donc si il désire le bien, alors c'est une bonne action qui lui sera inscrite, même s'il ne le fait pas. Et si il l'a fait, alors Allah lui écrit entre, hein, lui écrit 10 hasanat jusqu'à 700. Allahu Akbar. Wa hadha at-tafawut mabniyun 'ala al-ikhlas wa al-mutaba'a. Et cette différence, hein, entre 10 et 700, hein, cette différence de récompense, hein, Elle est par rapport à quoi? À l'ikhlas. Hein? Comment il est? Comment cette action est vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal et au suivi. فَكُلَّمَا كَانَ الْإِنسَانِ فِي عِبَادَتِي أَخْلَصْ لِلَّهِ كَانَ أَجْرُ أَكْفَرْ وَكُلَّمَا كَانَ الْإِنسَانُ فِي عِبَادَتِي أَتْبَعْ لِلْرَسُولِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ عِبَادَتُهُ أَكْمَلْ وَثَوَابُهُ أَكْفَرْ فالتفاوت هذا يكون بحسب الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام جميل جدا. Comment on explique cette différence entre 10 et 700? Plus la personne hein, vouera sa adoration exclusivement à Allah Azza wa Jal, plus sa récompense sera grande ou nombreuse. Et plus la personne, dans son adoration, plus elle suivra le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus son adoration sera complète et parfaite. Prenez exemple la prière. Plus je fais de sunna dans la prière, c'est-à-dire plus je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ma prière est complète, parfaite. Et la récompense est plus nombreuse. Donc, cette différence hein, est en rapport avec... Hein, le fait de vouer exclusivement à Allah Azza wa Jal et la suivi avec le prophète à la suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma sayyi'a fa qala wa in hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha katabaha Allah hasanatan kamila ka rajulin hamma an yasruq walakin dhakara Allah Azza wa Jal fa adrakahu khawfu Allah fa taraka sariqah fa innahu yuktab lahu bidhalika حسنة كاملة لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب على ذلك كما جاء في ذلك مفصلا في لفظ آخر إنما تركها من جراي يعني من أجل هم أن يفعل منكرا كالغيبة مثلا ولكنه ذكر أن هذا محرم فتركه لله فإنه يعطى على ذلك حسنة كاملة. الله أكبر. Quant aux mauvaises actions, il dit, le prophète sallam, celui qui a un désir de faire une mauvaise action, mais qui ne la fait pas, Allah lui écrit une bonne action complète. Comme un homme, par exemple, qui veut voler. Mais il se rappelle d'Allah. Il est dans le magasin, il veut, il est prêt à prendre. Il se rappelle Allah Azza wa Jal. Et donc la peur d'Allah Azza wa Jal l'a fait délaisser le vol. Alors on lui écrira une bonne action complète. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé le fait de désobéir à Allah et il a été récompensé pour cela. Comme ceci a été rapporté hein, dans une autre version où il est dit « Et il l'a délaissé hein, pour ma cause, pour la cause d'Allah Azza wa Jal. » Comme celui qui veut faire un mal, hein, comme par exemple la médisance. Mais qu'il se rappelle que ceci est interdit, haram, illicite. Alors il le délaisse pour Allah. Alors on lui écrira une bonne action. Complète. فَإِنْ عَمِلَ سَيِّئَ كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَتْ لَا تَزِيدْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَلَى مَا جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فله عشر أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Quand si il œuvre avec une mauvaise action, alors il sera écrit seulement une seule mauvaise action. Alors que la bonne action, on la multiplie par 10 jusqu'à 700. Et on rajoutera rien à une mauvaise action. Selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché, hein, et celui qui vient avec une bonne action, alors il aura comme 10 fois celle-ci. Hein? Et celui qui vient avec une mauvaise action, alors il ne sera récompensé que par... Il sera rétribué que par quoi? Que par ce qu'il a fait. Et ni que comme cette mauvaise action, pas plus. Hein? Et donc, ils ne seront pas lésés, ils ne seront pas victimes d'injustice. وَهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى على اعتبار النية وأن النية قد توصل صاحبها إلى الخير. Et donc dans ce hadith hein, il y a une preuve de quoi? De l'intention et que l'intention c'est elle qui va donner à celui qui le fait le bien. وسبق لنا أن الإنسان إذا نوى الشر وعمل العمل الذي يوصل إلى الشر إلى الشر ولكنه عجز عنه فإنه يكتب عليه إثم الفاعل كما سبق في من التقيا بسيفيهما من المسلمين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. Et on a vu il y a la semaine dernière, dans le cours précédent, que quoi ? Que celui qui veut faire un mal, hein, et qui fait une œuvre qui va conduire à ce mal, mais qui a été empêché. Alors lui, on lui écrira le péché de l'avoir fait. Comme ceci a été rapporté entre ces deux hommes, deux musulmans qui se sont affrontés avec une épée, avec leur épée. Si le prophète a dit si deux musulmans s'affrontent avec leur épée, le tueur et le tué sont en enfer. Alors ils ont dit, oh messager d'Allah, le tueur, là on comprend, mais pourquoi le tuer aussi? Parce qu'il a voulu, il a voulu quoi? Il a voulu tuer son compagnon. Vous comprenez? Je sais que c'est la salat, mais c'est très important de comprendre la différence entre ce qu'on vient de citer et ce qui est cité dans le hadith du chapitre là. C'est que le premier, dans le hadith du chapitre, il a voulu faire un mal, mais il s'est retenu de faire le mal pour Allah Azza wa Jal. Le deuxième, il a voulu faire un mal, mais il a été empêché. C'est pas qu'il s'est retenu, c'est pas qu'il a, il est revenu, il s'est retenu. Vous avez compris la différence? Très important. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.